Mercredi 23 septembre 2015. On dit Paris, premier jour de l'automne. Ciel ici bleu chargé cumulus, quand celui d'Alep et de Moussoul, strié du feu des armes qui pousse milliers de gens à fuir vers des pays dont ils ne connaissent rien, si ce n'est par on dit et trois mots de la langue. Bonjour, merci, je t'aime. Non, pas je t'aime, ces campements de fortune dans lesquels certains finissent aux abords des gares et le long des voies routières, dans des conditions d'hygiène et d'insécurité qu'ils n'auraient pas imaginées. Non, pas ici, pas si près de la tour Eiffel, tout feu scintillant dans la nuit. Non, pas ici, pas si près d'un vieux tilleul aux branches desquelles un écrivain a pendu ses livres dont l'un, ironie, questionne en titre « Que fait-on du monde ?» Dimanche 27 septembre 2015. Tenir un journal pour dire que l'on n'écrit plus, que l'on ne veut plus écrire, peut sembler paradoxal, voire ridicule. Mais c'est la manière douce d'en finir, de se retrouver une dernière fois avant silence. Ma fatigue est profonde et dure depuis trop longtemps déjà. Je ne veux pas écrire pour écrire. Fabriquer des livres comme on fabrique des objets, avec un savoir-faire acquis au fil des années, mais sans passion, sans déchirement. Si l'urgence à nouveau se fait sentir, je saurai retrouver les mots pour l'exprimer. Pour l'heure, j'aimerais reprendre souffle, vivre sans me regarder vivre, sans chercher l'écriture derrière ce qui est, simplement voir et entendre et goûter. Est-ce possible? Mercredi 30 septembre 2015. Dernier jour du mois et déjà une semaine que j'ai pendu mes livres. À part quelques fortes averses, le temps leur a été clément et ils ont peu souffert. Si mon installation tient, j'entends, si les fils de nylon ne se brisent ni ne s'en mêlent trop sous l'effet du vent, peut-être passeront-ils l'automne et qui sait l'hiver. Je ne pensais pas qu'il résisterait si bien. L'œil de bœuf, mon premier roman, et Nom de Nantes, un recueil de fragments autobiographiques publié quelques 20 ans plus tard, m'étonnent tout particulièrement tant ils semblent intacts, prêts, serais-je tenté de dire, à réintégrer ma bibliothèque. Mais il n'en est pas question. Ces deux-là, comme les autres, devront disparaître et quand j'en foulerai aux pieds les restes pâte à papier, je me souviendrai que l'un commence là où l'autre finit. Par cette scène qui montre ma mère attendant en gare de Nantes le dernier train de prisonniers à rentrer d'Allemagne. C'était en 1945. Je n'étais pas né. Qui me l'a raconté? Quelle est la part du vrai dans ce qu'on écrit? Il y a peu encore, j'aurais juré de l'authenticité du souvenir. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr de rien. L'écriture m'a inventé presque de toutes pièces. Mardi 6 octobre 2015. Cette semaine, après bientôt 7 mois de repli, je reprends mes activités lucratives. À défaut de pouvoir vivre de ma plume, je vis de mon statut d'écrivain et œuvre à ce titre auprès de publics divers pour des lectures, conférences ou ateliers d'écriture et de parole. Depuis quelques années, j'interviens à l'hôpital psychiatrique de Samuire et au centre de gériatrie de Chapter, situés l'un et l'autre à une 20aine de kilomètres de mon domicile. Dans le premier, j'anime un atelier d'écriture avec un groupe de patients. Dans le second, je collecte la parole de personnes âgées sur des sujets divers, et cela m'amène à rédiger des articles et brefs récits de vie qui sont publiés dans une revue interne. Jeudi 8 octobre 2015. J'aimerais n'avoir plus que mes livres sous les yeux, que le spectacle de mes livres tournoyant girouette au bout de leur fil, rien d'autre, et surtout pas le monde et ses convulsions. Mais on ne fait pas rempart avec des livres, fussent-ils pendus et devenus illisibles, car gorgés de pluie et imprimés avec une encre délébile. On dit Calais. Calais est ce mot jungle qui lui colle comme un chancre et sous-entend loi du plus fort et lutte à mort pour survivre entre fauve et sauvage. Pourtant, c'est bien ainsi que nous parlons de ce bidonville installé au bord de notre monde dans un périmètre désigné sur nos cartes, zone industrielle des dunes. Bien sûr, nous nous souvenons de jeux et de promenades là-bas jadis quand nous étions enfants. Mais c'en est fini maintenant, qu'ils sont plus de 4000 à y vivre, sous toile et bâche de chantier, dans le froid et l'humide, un repas par jour et autant de maladies que de langues parlées. La Manche a un jet de pierre et le rêve de l'autre côté. Mais combien s'accompliront et quand partiront-ils? Parfois la nuit, pourquoi le nier? Nous rêvons, moi comme beaucoup, oui, nous rêvons d'un cataclysme qui les ensevelirait tous et en dissuaderait d'autres de venir. Oui, pourquoi le nier? Moi comme beaucoup, la nuit, nous entrons dans la jungle, armes au poing et poings brandis, et sommes les plus forts, et les massacrons jusqu'au dernier, comme autrefois nous avons su le faire, en Afrique ou dans les Amériques. Vendredi 16 octobre 2015. En quelques jours, les arbres se sont éclaircis, leurs ramures désormais visibles, des toupets de feuilles rousses encore accrochées aux brindilles. Au pied du grand tilleul s'amoncelle le gros de son feuillage, tirant du jaune au brun que la lumière et la rosée semblent avoir vernissé. Parmi elles, tombé pendant la nuit, l'un des livres de mon installation, dans les pas de l'autre, mon dernier roman publié. J'apprécie l'insolite de découvrir ainsi un livre à demi enseveli sous les feuilles. Toutefois, estimant que le temps ne l'a pas assez dégradé, je le raccroche, et ce faisant s'impose alors à mon esprit le personnage de Kevin Barlow, l'un des protagonistes du livre, et dans son ombre, Jacques B., l'adolescent frondeur qui me l'a inspiré. L'art romanesque est affaire de masques et de conjugaisons, non tant ce qui a été que ce qui aurait pu être. Les gendarmes venaient souvent chez lui pour des délits de petite délinquance. J'en ai fait un meurtrier. Aux dernières nouvelles qui me sont parvenues presque incidemment, Jacques B. travaillait comme agent commercial dans une usine d'électroménager. À la parution du livre, j'ai imaginé qu'il pourrait le lire et s'y reconnaître et m'en vouloir de l'avoir ainsi noirci, d'avoir forcé le trait, de lui avoir mis un fusil de chasse dans les mains, non plus pour tirer les ragondins comme il en était coutumier, mais pour abattre un homme qui, une nuit, l'avait violé. Qui écrit quand on écrit et d'où nous viennent de telles histoires? Comment se mêlent en nos têtes d'autres réalités que la nôtre? Et comment nos peurs et nos désirs s'en nourrissent en sangsue? Pour l'heure, mes livres tournent au vent d'automne et Kevin Barlow finira pâte à papier dans la terre et pareillement Dominique d'Assérac, l'autre protagoniste du roman, et tous les autres personnages avec eux, comme autant de morceaux de moi disséminés dans les centaines de pages que j'ai pu écrire au fil de ma vie. Mardi 3 novembre 2015. Tilleul presque entièrement dénudé, ramures visibles, nid, beaucoup d'oiseaux très actifs avant l'hiver. Piquet-pêche, mésange charbonnière, mésange huppé, citelle torche-peau. La température est encore douce, quelques sautes de vent agitent mes livres. Mon regard s'arrête sur l'un d'eux. Rupture de rêve. Rupture de rêve. Anniversaire de la mort de Maude. C'était il y a juste 20 ans, je venais de publier ce titre, mon troisième roman, dont j'avais corrigé les épreuves à son chevet, alors qu'elle était hospitalisée à l'Hôtel Dieu. Le texte ne faisait plus sens, je me souviens, et reprendre l'écriture me paraissait inconcevable. Mais il faut croire que rien ne l'est, du moins dans le long terme, car après un temps de silence et de repli, après une période de travail intense où j'enchaînais les traductions de monographies d'artistes, y passant mes jours et mes nuits, me crevant les yeux sur des écrans d'ordinateur, j'ai ressenti le désir d'écrire comme on éprouve le désir d'une femme, avec la même fougue, et la vie a repris. Ma plus longue histoire d'amour était morte, mais moi, j'étais vivant. Abîmé, meurtri, mais vivant, et je le sentais dans ma tête et dans mon corps. Un soir d'avril particulièrement doux, je me souviens avoir longuement marché dans les rues, le long des boulevards, sur les quais de Seine, sans but, sans chercher à m'orienter, juste marcher pour marcher et peu à peu prendre conscience des petits maux que cet effort engendrait aux jambes et aux pieds, puis dans tout le dos, et comment dans le même temps ma tête se vidait de tout ce qui l'encombrait depuis des mois, des années, pour ne plus penser qu'à cette fatigue et aux douleurs qu'elle me causait. À mon retour au petit matin, je me suis effondré sur mon lit et j'ai dormi autant d'heures que j'avais marché, comme cela ne m'était plus arrivé depuis longtemps. C'est ma vieille voisine qui m'a réveillé. L'après-midi était déjà bien avancé et mon corps plus courbaturé que le sien. Elle m'invitait à trinquer avec elle pour fêter ses 80 ans. Le goût de vivre m'est revenu avec celui du champagne. L'écriture a suivi de près. J'étais vivant. Lundi 23 novembre 2015. Hôpital psychiatrique de Samuire. De l'atelier des mots, je rapporte ce dialogue qui mêle en gorge tout à la fois rire et sanglots. Isabelle, une nouvelle participante, se présente à moi en précisant qu'elle s'est par trois fois défenestrée. Sur quoi interloquée, je lui demande sottement comment elle va maintenant. « Oh, très bien !» me répond-elle avec entrain. J'ai déménagé au rez-de-chaussée. Dimanche 29 novembre 2015. On dit Téhéran et l'orchestre symphonique de la cité, interdit de scène au prétexte que certains de ses membres sont des femmes et que celles-ci n'ont pas le droit de se produire en public, même pour interpréter l'hymne national comme annoncé au programme. On dit, sans jeu de mots, qu'il s'agit là d'une fausse note et que le chef, Ali Rabari, refusa d'en ajouter de plus juste à la partition des censeurs. Ainsi, contrairement au proverbe arabe qui veut que le silence soit d'or, on dit qu'en ce dimanche d'automne, il fut de plomb. D'ici, toutefois, nul ou presque n'en a senti le poids. Longue promenade autour des étangs de verre, presque désert. Je me surprends par moments à marcher si léger qu'il me semble danser, souriant aux jarres qui se rengorgent à mon passage pour protéger leurs troupeaux de femelles, aux cormorans perchés sur des piquets de bois, ailes déployées pour se faire sécher, aux grèbes effarouchées qui plongent à mon approche, aux nobles cygnes, cul en l'air et cou sale d'avoir fouillé la vase. Qu'en est-il alors de ma fatigue et du poids du monde? Je vais sans aller nulle part. Je vais sans occuper le temps ni chercher à le tuer. Je pense à Monsieur Paul rencontré ce matin et au dernier train qu'il finira bien par prendre. Je pense à l'homme qui marche, de Giacometti, et me voudrais comme lui, qui ne pèse rien et traverse chagrin et tempête avec l'inébranlable conviction qu'il faut avancer, que seul importe le chemin parcouru, puisque l'ultime état escale est connu. Oui, je me voudrais cet homme qui marche et ne pèse rien, et par touches fugaces me sens dans son ombre et à son rythme. Vendredi 25 décembre 2015. Il est rare que Noël et soleil aillent de pair, encore plus que les températures soient presque printanières à cette date, d'où sans doute une grande confusion parmi les végétaux et oiseaux du jardin. À peine un souffle de vent, mes livres tournent magnifiques à l'extrémité de fils d'argent. Couché tôt hier soir, envie de lire, mais l'esprit vagabond. Me suis revu dans ces mêmes temps de fête, à Londres ou à Paris, avec Maud ou Stéphanie, ou parfois seul, lorsque je refusais de les accompagner dans leurs familles respectives pour des repas interminables. Me suis aussi revu au camp de Missingen, petit soldat courant nu dans la neige, un Paris stupide pour meubler l'ennui. Me suis enfin souvenu de cette longue marche avec Lise dans les rues de Paris la veille de Noël, de ce clochard recroquevillé sur une grille d'aération, de la branche de sapin coincée entre les mailles de la grille, de la boule de Noël qui y était accrochée. Une scène et autant de détails qui se retrouvent aujourd'hui dans mon roman « Dans les pas de l'autre ». On regarde d'autres scènes et détails totalement inventés. Mais qui pourra jamais distinguer le réel du fictif ? Lise partie, seule subsiste ma propre mémoire pour faire le tri, mais avec le temps, elle-même finira par s'embrouiller. Je l'ai constaté à propos de scènes d'enfance évoquées dans « Nom de Nantes » et dans « Suite nantaise ». L'écrit a tant supplanté le réel que je n'ai d'autres souvenirs que ceux inventés. À l'inverse, quand l'écriture a failli, l'amnésie est totale. Je n'ai vécu aucun Noël dans mon enfance. Samedi, 30 janvier 2016. Ciel gris uniforme et forte bourrasque de vent qui envoie balancer mes livres dans des obliques vertigineuses, dont ils reviennent en s'entrechoquant si fort que je crains la rupture. Mais le nouveau fil utilisé est solide, diamètre 40, force 10 kg, un peu juste pour le brochet, mais suffisant pour ma prose. Par moments, la pluie s'ajoute au vent et la résistance de mes livres ne m'en paraît que plus belle. L'épreuve du temps va durer, je me dis, plus longtemps que je ne l'escomptais. Pourquoi ce manque de confiance en moi ? Oui, pourquoi depuis toujours ce manque de confiance en moi ? Est-ce d'avoir trop entendu enfant qu'il fallait se contenter de ce qu'on a ? Ne jamais prétendre à plus, puis, au moment de l'envol, de recevoir pour ultime conseil d'aller dans la vie profil bas, au pas si besoin, et surtout sans faire de vagues. Bien qu'écrire contrevint à toutes ces injonctions, car écrire est une réponse au désir cumulé de se vouloir autre et de vouloir autre chose que ce qu'on a. On n'en reste pas moins marqué au fer du doute, et la moindre audace, le plus petit écart, ravive la brûlure. Jeudi 18 février 2016, centre de gériatrie de Chaptère. J'aurais aimé penser qu'on vieillit comme on a vécu, que celle ou celui qui n'a rien à dire ou ne s'intéresse à rien aujourd'hui n'avait guère plus de paroles ou d'intérêt hier, que la vieillesse n'est pas forcément une déchéance ou un lent naufrage. C'était ignorer la maladie, la pire à mes yeux, qui vide inexorablement la mémoire de toute trace du passé jusqu'au souvenir de sa propre identité, réduisant l'être à sa matière de chair et d'os. Ainsi, celui-là, pianiste de talent, qui regarde un clavier avec l'air ébahi de qui n'en aurait jamais vu. Ainsi, cet autre, professeur de géographie, incapable de dire en quel pays elle demeure. Ce matin, j'ai croisé une dame qui déambulait dans l'agora, avec sur l'épaule une souris grise, criante de vérité, bien que réalisée au crochet et cousue à même le vêtement. J'en aurais souri si Armelle, l'aide-soignante, ne m'avait expliqué que c'était la pratique courante pour repérer les personnes souffrant d'Alzheimer et leur éviter de se perdre dans les étages ou dans le parc. Quand la tête s'enraille, la souris veille, a-t-elle lancé. C'est ce que chantonnent ses collègues dans les services concernés. Au sortir du centre, je me suis dit non. Jamais. Plutôt mourir que s'effacer dans le rien avec une souris sur l'épaule. Mais je sais bien qu'à l'annonce du naufrage, il est déjà trop tard pour en réchapper, qu'il n'y a rien d'autre à faire sinon se saborder longtemps à l'avance. Est-ce la conviction d'un naufrage à venir, non dans l'oubli de soi mais dans la folie, qui a poussé Lise à sauter dans le canal ? Jeudi 24 mars 2016. Ciel gris, très lumineux, vent faible, mes livres tournent sans à-coups. 6 mois que je les ai pendus, je n'aurais pas cru, et pourtant. Le forsythia est en majesté, certains des arbustes de la haie, des cotonéastères, je crois, sont tachetés de fleurs roses. Un autre, dont j'ignore le nom, arbore le vert tendre de son nouveau feuillage, et toujours un vaste parterre de primes vertes. Le printemps s'affirme et je suis bien. Hôpital psychiatrique de Samur. À l'atelier des mots, je présente une photo de mes livres pendus sans aucune précision quant à mon rôle dans cette installation et demande à chacun d'écrire ce que lui inspire l'image. À la lecture, les mots fou, dingue, toqué, maboule ou frappé estampillent tous les textes. Samy parle du geste désespéré d'un bibliothécaire dépressif. Isabelle dit que seul un esprit malade peut faire ça. Clotilde y voit une illustration de la société de gaspillage. Maria, une folie de plus dans ce monde de fous. Quant à mon tour, je leur dis que je trouve l'installation plutôt artistique, qu'elle m'évoque ces mobiles qu'on accroche au-dessus des berceaux d'enfants. Je déclenche un tollé de protestations, puis la bonne blague de Serge, me proposant une chambre dans son pavillon, fait rire tout le monde, moi compris. Merci. Nicolas Piot.